Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Pleuzévette, bienvenue à la Veldreau. Je suis heureux d'accueillir ce soir pour cette conférence Monsieur Edoui Plenal, donc, que vous connaissez bien. Merci pour ces applaudissements. Donc, je crois que c'est un moment important pour nous. Nous allons vivre une année importante pour tous et l'influence de la presse, la façon dont elle va faire dialoguer les Français, je crois, sera déterminante pour cette année qui vient. Et nous avons souhaité organiser cette conférence. Alors, je tiens à remercier en premier lieu Bernard Paillard et Laure Velchen, je ne sais pas où elle est, qui nous ont aidés à mettre cette soirée sur pied. Merci aussi aux équipes municipales qui ont contribué à organiser cette soirée. Nous avons du fond de la province quelquefois une vision un petit peu étrange du journalisme. On a l'impression que c'est un milieu parisien qui discute beaucoup entre lui et qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent un petit peu, on va pas dire au-dessus, mais qu'on ne comprend peut-être pas je vais pas dire les enjeux, mais qu'il y a des choses qui sont sous-entendues, qui sont débattues et qu'il y a un petit peu une démocratie ou un partage de l'information qui n'est pas réellement celui qu'on pourrait attendre. Donc je crois que je vais passer la parole à Jean-Claude Sturm qui veut dire un petit mot. En tout cas, merci de votre présence, merci d'être venus nombreux. Merci Pierre. Oui, moi, je suis très heureux de t'accueillir, Edwy, parce que le souvenir que j'ai de Poitiers en novembre 2000 et quand Pierre Plouzenec, le maire, donc, avait suggéré que l'on lui donne des noms des intervenants, j'avais pensé à toi. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a joué le rôle de basse-valente, comme on dit en breton, c'est-à-dire l'entremetteur pour préparer les mariages, qui était Bernard Paillard, qui nous a permis de faire en sorte que tu puisses venir. Je dois dire aussi, même si ça a été un petit peu tardif, c'est que Edwy a réalisé un tour de force, c'est de quitter Paris un jour de grève des chemins de fer et qu'il a fallu aller le chercher en voiture à Rennes. Et c'est Laure qui est derrière, qui s'est dévouée pour aller te chercher. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. C'est impressionnant, bonsoir, d'être sur cette estrade qui n'est pas vraiment à l'image de la remise en cause nécessaire du journalisme par le journalisme participatif tel que le permet le numérique. Mais disons que je suis momentanément sur l'estrade et que je vais tout faire pour en descendre. Je voulais vous remercier d'abord tous d'être là et la mairie de Pleuzévette et je dirais le pays Bigoudin et la Bretagne, puisque je dis toujours que je suis un Breton d'outre-mer, ce qui veut bien dire que même si j'ai été éloigné d'une certaine manière, la Bretagne est toujours profondément au cœur. Mais ça n'a pas été très difficile de me faire venir, non seulement parce que je ne peux rien refuser à la Bretagne, mais parce que je ne peux rien refuser à Pleuzévette à cause d'un complot d'amitié qui est très important, y compris dans mon histoire personnelle et professionnelle. J'ai amené ici un livre qui, pour moi, est une bible pour les journalistes. Un livre que l'on doit à Bernard Paillard, qui est ici présent. Edgar Morin, Journal de Pleuzévette, Bretagne, 1965. Ce n'est pas le livre commun en France, ce n'est pas les livres, comme celui également d'André Burguière, qui ont été faits autour de cette enquête pluridisciplinaire, unique, qui a été un exemple ensuite pour toutes les recherches pour connaître une société, pour comprendre ce qui s'y passe, pour comprendre, et vous verrez que ça a une importance sur notre présent, pour comprendre la relation entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce qui se défait, qu'est-ce qui se garde, comment cela bouge. Et ce texte, exhumé plus tard par Bernard Paillard, est pour moi un exemple pour les journalistes. C'est un journal d'enquête, et dans lequel, à la fin, et Bernard Paillard et d'autres ici sont témoins de cette histoire, il y a un mémento de l'enquêteur que je cite toujours aux jeunes journalistes, parce qu'il souligne combien, pour être un bon enquêteur, il faut avoir une curiosité généreuse, pas une curiosité inquisitoriale. Il faut avoir une curiosité qui soit soucieuse de l'autre, soucieuse de l'écouter, ce qui est appelé ici un savoir-voir, un savoir-toucher. Il faut aussi, dit ce petit manuel de l'enquêteur, qui était donc le manuel pratique des jeunes étudiants qui venaient essayer de prendre cette commune pour comprendre ce qui se passait en France dans les années 60. Il dit aussi qu'il faut savoir faire, quand on enquête, faire la part de l'indétermination et du hasard. Et c'est par là que je voudrais commencer cette causerie, discussion entre nous autour de journalisme et démocratie. Nous vivons des temps très particuliers et dans lesquels la démocratie et la façon dont le journalisme s'y insère sont profondément mis à l'épreuve. Mais en même temps, ce sont des temps d'inquiétude, de crise, de doute, d'interrogation, et en même temps, ce sont des crans d'événements, d'imprévus, d'inattendus, d'imprévisibles. Qui aurait dit il y a un an que pouvaient émerger autour de la Méditerranée des révolutions portant des idéaux démocratiques et sociaux, et qu'elles continuent encore, et qu'elles continuent à ébranler des dictatures dont on s'arrangeait en se disant qu'elles étaient le meilleur rempart contre des périls que, du coup, elles grossissaient, elles renforçaient. Qui aurait dit que la crise telle qu'elle se développe là allait faire surgir des questions qui étaient considérées comme marginales hier? Contrôler les paradis fiscaux, mettre en cause un capitalisme financier rapace, même si tout cela n'est pas fait, tout cela est dans le débat public aujourd'hui. Nous sommes dans ce moment-là où l'événement surgit. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut dire que l'événement est là et que l'événement peut être un accélérateur de ce qui peut se passer, de ce que nous pouvons en faire. C'est au cœur de la sociologie d'Edgar Morin, cette idée de l'imprévisible, de l'inattendu, du hasard, cette idée de l'espérance qui peut naître de l'inattendu et de l'imprévisible. Cette idée que, au fond, face à un moment où nous avons une immense inquiétude, où nous avons le sentiment que notre monde court à la catastrophe, catastrophe sociale, économique, démocratique, écologique, eh bien, de cette inquiétude peut naître une espérance. Ce que résume souvent Edgar Morin en citant un vers d'un poète prussien, Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et donc toute la question qui nous est posée, c'est comment défendre un idéal démocratique où peut naître ce qui sauve, où face au péril peut surgir cette espérance, où peut surgir cette lumière dont on va s'emparer collectivement. L'histoire n'est jamais écrite. L'histoire ne fait rien. L'histoire n'est pas linéaire. Elle dépend de nous. Elle dépend de la façon collective dont nous nous en emparerons et dont nous la ferons partir dans telle ou telle direction. Certains ont moqué le succès de « Indignez-vous », le texte de Stéphane Hessel. Ces gens dont je vais parler, qui pensent qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, ils ont moqué ce succès où des grands-parents offraient à leurs petits-enfants ce texte en 4-5 exemplaires et qui est devenu en moins d'un an un succès mondial traduit en 33 langues, lequel Stéphane Hessel vient de publier avec Edgar Morin. Nous retrouvons la sagesse des anciens, au fond, le jeune Edgar Morin, 90 ans, le jeune Stéphane Hessel, 94. Et ils viennent de publier ensemble le chemin de l'espérance, cette idée de l'espérance. Comment trouver, inventer ensemble ce chemin? Et ceux qui moquaient Indignez-vous ne l'avaient pas bien lu. Dans Indignez-vous, il y a au fond un propos essentiel que Essel rapporte à ses années de jeunesse quand il était étudiant à l'école normale supérieure, avant d'être résistant et d'avoir cette dignité qu'il a eue pendant la guerre, et qui était au fond ce qui fut à un moment la philosophie d'un philosophe qu'il cite, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, mais qui est, en langage très simple, une philosophie de l'engagement, au sens de l'engagement démocratique. Cette idée que cela dépend de nous, que nous sommes responsables de notre liberté, que cela ne dépend pas d'en haut, que cela ne dépend pas d'une fatalité qui tombe d'en haut. Cela dépend d'abord de nous. Et si cela ne se passe pas, il faut d'abord s'en prendre à nous. Que nous sommes responsables de notre liberté. Nous sommes comptables de notre liberté. Alors c'est d'autant plus vrai dans ce moment très particulier que nous vivons, qui est la conjonction de trois crises immenses en même temps. En même temps. Une crise industrielle, une révolution industrielle. Il n'y en a pas eu quatre, il n'y en a pas eu cinq. C'est la troisième de cette ampleur. À chaque fois, il y a un moteur technologique, la machine à vapeur, l'électricité, c'était les deux premières, et là, c'est le numérique. Tout ce qui change notre quotidien, tout ce qui modifie nos usages, ces machines nomades, cette virtualité apparente, Internet, le web, les communications, cela modifie nos pratiques culturelles, cela modifie des modèles économiques, cela détruit des richesses, cela en crée d'autres, cela accompagne des délocalisations, l'émergence d'autres puissances. Une révolution industrielle, c'est bien pour cela que les historiens ont forgé ce mot, c'est un bouleversement profond des sociétés et qui, en profondeur, crée des possibilités nouvelles, qui détruit du passé, mais qui permet peut-être que du neuf surgisse. Il y a du vieux qui tarde à mourir et il y a du neuf qui tarde à naître. Elles ne sont ni positives ni négatives. Tout dépend de ce que nous allons en faire. La technique n'est jamais libératrice en soi. Cela dépend de nous, de nos usages sociaux, de comment nous allons nous en emparer. À cette révolution industrielle récente, WW, World Wide Web, ça n'a que moins de 20 ans. À cette révolution industrielle s'ajoute, nous le savons tous, une crise du capitalisme qui, pareillement, n'a pas beaucoup de précédents. C'est la troisième de cette ampleur. 1857 au XIXe siècle, après la première révolution industrielle, eh bien, c'est une crise dont l'épicentre est la Grande-Bretagne, et c'est là que Karl Marx commence à penser les crises comme le moteur du capitalisme, comme son moteur de régénérescence aussi. Utiliser les crises pour se sauver. Utiliser cette destruction créatrice. 1929, c'est la deuxième, et c'est là que Keynes invente l'idée de régulation, cette idée que le marché est destructeur, que si on le laisse faire tout seul, eh bien, il est destructeur de l'homme, du travail de l'homme, et il est destructeur de la nature, la richesse de la nature, et que donc il faut la régulation. Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, qui sera le Keynes, qui sera le Marx de notre crise du capitalisme. Mais nous savons que ce qui a commencé en 2007-2008 est de la même ampleur. C'est une crise qui ne finit pas de créer ses propres développements de crise, ses propres rebonds de crise, ses propres destructions, y compris dans la sphère politique, j'en reparlerai. À ces deux crises s'ajoute, sur notre continent, une troisième crise qui est d'une longue durée encore plus forte et qui vient comme une grande vague sur ces deux autres, qui est au fond la fin d'un cycle multiséculaire, au fond cinq siècles, où notre monde, notre culture, ce que l'on a appelé dans une construction intellectuelle l'Occident et sa projection américaine, a donné le là du monde. Nous avons donné le là du monde. Aucune culture du monde n'a pu échapper aux nôtres. Échapper à nos valeurs, échapper à nos marchandises, échapper à nos armées, à nos prêtres, pour le meilleur et pour le pire, à nos instituteurs aussi, à nos idéaux, et parfois à notre rapacité aussi. Tout ça a été ensemble. Aucune culture du monde n'a pu échapper à nous. Nous arrivons à la fin de cette course un peu en solitaire, où nous nous sommes épuisés. Et nous arrivons au moment où d'autres mondes émergent, et d'autres mondes émergent et veulent compter. Et veulent compter avec nous, mais pas dominés de la même manière par nous. On le voit, même dans le symbolique des événements sportifs, entre le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Turquie, des pays qui sont là et qui donnent un autre rythme du monde. Et donc, nous avons ces trois crises qui ébranlent en profondeur notre rapport à la réalité et auxquelles s'ajoute, dans le cas de notre propre pays, une crise démocratique profonde. Pas seulement en Europe en général, mais dans notre pays en particulier. Et c'est là où je voulais en venir dans une deuxième étape.